de vrai. Tout est couché. Des simulacres de carton pâte et de coton tremblé. Rien ne change au pays des hommes, libre de ne pas changer. Rien ne change, pas plus le jour, pas plus la nuit, pas plus les mots que les sourires. All that glitters.